cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أخذنا في آخر الدرس ما يتعلق بفصل الخصومات وحل المشكلات. الشيخ السعدي رحمه الله عليه nous a démontré أن من محاسن هذا الدين parmi les bienfaits de ce din أن s'il y a un problème entre nos frères musulmans, on doit tout faire pour régler ce problème. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré des règles à suivre. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yamin ala man ankar. Et toutes ces règles, elles sont fondées sur la justice et le haqq pour régler les problèmes. Et on avait lu kalam al-shir sa'adi wa lillahi al-hamd. Wal-yawm na'khud al-mithal al-sadis ashar wa billahi al-tawfiq. Qala rahimahullah al-mithal السادس عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى. Et ça, كذلك, ça montre أن هذا الدين il est fondé sur le haqq ou l'adl. Et il est fondé sur الحقيقة, c'est pour le bienfait ou pour le bien-être des gens. الشورى. الشورى, c'est la consultation, se consulter. أمر مهم أمر مشترك بين الناس. On a besoin de se consulter pour avoir l'avis de al-uqala, de ahl al-ilm, pour savoir si cette chose c'est un bien pour nous ou c'est un mal pour nous. Comment faire cette chose? Par quoi commencer? Tout ça, at-tashawur, c'est muhim fi mithl hadhi al-masail. Qal al-shaykh Sa'di, ma ja'at bihi al-shari'a min al-amr bi-shura wa al-thana' على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم كما قال عز وجل وأمرهم شورى بينهم في سورة الشورى يعني سورة qui porte ce nom سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم أي أن المسلمين dans certains cas ils ont besoin de se consulter. قال الشيخ سعدي في تفسير الآية وأمرهم شورى بينهم قال رحمه الله لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتوددهم وتحاببهم وكمال عقولهم. نعم bien sûr pour se consulter il faut être rassemblé. Tu ne peux pas te consulter avec quelqu'un que tu détestes et tu es divisé ma'a. Donc, هذا الدين il nous ordonne de se rassembler à l'al-haq. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Le Nabi صلى الله عليه وسلم امر بالاجتماع. Bien sûr, à l'al-haq, à l'huda, à l'al-Qur'an ou à l'al-sunnah. هذا الاجتماع احيانا il y aura besoin de se consulter sur certains points. Bien sûr, les choses importantes. Bien sûr que cette consultation, elle est fondée, elle est basée sur le haqq. Mais il y a des choses, il n'y a pas besoin de se consulter. Al-munkar, l'enlever, al-ma'ruf, l'appliquer. On n'a pas besoin de se consulter dans certaines choses claires. Celui qui peut, il fait. Celui qui se trompe, on le conseille. Mais ba'd al-masa'il, il faut al-mushawar. Et Omar, radiyallahu ta'ala anhu, avant de mourir, il a cité certains compagnons qui se rassemblent, qui se consultent entre eux pour désigner Al-Amir après Omar, radiyallahu anhu. Et ils ont choisi Uthman. Hadi, c'est Ash-Shura. Et ta'ammalou anna Omar, il a choisi certains. Et on verra, Inch'Allah, on citera à la fin de ce mithal la différence entre Ash-Shura et الديمقراطية, l'intikhabat. بعض الناس الآن ils vont prendre ce verset وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ et ils ont ouvert un peu de dhalal avec la démocratie, avec les élections. Là, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ c'est fondé sur الدين. Et ceux qu'on consulte et qui donnent leurs avis, c'est أهل الحل والعقد العلماء العقلاء. C'est pas tout le monde. La démocratie et les élections, ça a ouvert un bœuf à tout le monde. Hatta safi, il peut voter, il a la même voix que la tienne. Il a la même voix qu'un savant de la sunna. Si le savant de la sunna en qadr qui vote, la voix de ce safi, Robama il est rare que le mu'asi. Robama il n'a rien compris au sujet, lakin il vote. Hatta ba'dhum, il vote ce qu'ils appellent blanc. Vote contestataire, que pour eux être contre. Et il ne sait pas où est-ce qu'il se passe. Lakin, il veut que sa voix elle pèse comme la voix d'un autre. Tout ça, c'est min al-ihraf ou min al-zulm. Amma al-islam, comme a dit le Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, al-shari'a, ja'at bil-amr bil-shura. Pas bil-fawda. Al-shura, c'est fondé sur le kitab ou le sunnah. La démocratie et l'intikhabat, c'est fondé sur le fawda. Et sur le zulm. قال الشيخ سعدي وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم إلى آخره إلى أن قال أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها. Un sujet important, on a besoin de l'étudier, de savoir comment faire, فنتشاور. Ça arrive entre voisins, ça arrive entre familles. Ça arrive, le gouverneur, il demande, il consulte al-ulama ou al-uqala dans une affaire. Donc ça nous montre c'est pas dans tout, c'est pas dans tous les sujets là. Il y a des sujets, ils sont clairs, on n'a pas besoin de consultation. Il y a des autres sujets, ils sont pas importants, on n'a pas besoin de consultation. قال حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره. إذن des exemples أن أحيانا الجهاد والغزوات il y a besoin de se consulter. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il consultait certains de ses compagnons. كذلك في تولية الموظفين مثلا le Amir il a besoin de désigner des juges, des employés. Donc il consulte pour savoir c'est qui est capable, qui c'est qui est prêt, etc. Kadalik à plus petite échelle entre voisins, maintenant il y a un problème dans leur quartier. Enfin le uqala, ils se rassemblent pour savoir il est où le problème, comment le régler. Tout ça bien sûr avec des textes. Min al-kitab wa min al-sunnah. On cherche le problème et les solutions, ça ne doit pas contredire notre dîn. Si c'est deux choses, min umur ad-dunya, tant que ça contredit pas le dîn, fatayib. Si c'est deux choses, min umur ad-din, il faut un texte. Et c'est ça la différence, ou une des différences entre shura, la consultation, et la démocratie. Amma, la démocratie, les élections, c'est la majorité. Ils regardent ni texte, ni wala shay, la majorité. Hatta ahyanan, ils font des élections sur du zulm wadih, et sur un munkar azim. L'essentiel, c'est les voix. Amma nahnu la. Robama, on se consulte, on est plusieurs, on est 6, on est 7. Robama, 5 ils ont un avis et 2 autres ils ont un avis et on prendra l'avis des 2. Amma, la démocratie, les élections, là, c'est la majorité. Ils ont raison, ils ont tort, la majorité l'emporte. Amma, nahnu la. Peut-être que ces 2, ils vont détailler leur avis, ils vont appuyer avec des preuves et on va tous être satisfaits, convaincus. On va dire sahih. La consultation, on va ressortir de cette consultation avec un avis, un qawl sadid, et c'est peut-être l'avis de 1 ou de 2. Pourquoi? Parce qu'il avait plus d'expérience, il avait plus de ilm, il a été convaincant, on prendra son qawl. Donc bien différencier, pourquoi on appuie sur ce point, les anna ba'd ahl al-dhalal, ils vont faire, ou essayer de faire croire, anna tout ce qui est lié aux élections, à la démocratie, shura. Aïe. C'est permis, pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla qala wa amruhum shura baynahum. Allah subhanahu wa ta'ala naha 'anil ma'asi wa 'anil kufr. Et la démocratie, c'est du kufr. C'est fondé sur al-'isyan wa adh-dhulm. Donc faut pas tout mélanger, faire attention à al-hawa. Ba'd an-nas pour appuyer leur égarement, ils cherchent un verset ou un hadith qui appuie son égarement. Et ça c'est min tariqati ahl az-zayr. Ça fait pas partie de la méthodologie des personnes pieuses, des savants. Abadan. Nahnu, c'est l'axe. On a un texte, thumma, on doit se soumettre. وقال الشيخ الفوزان انتهى كلام الشيخ سعدي من تفسيره قال الشيخ الفوزان حفظه الله والعمل بالشورى مشروع للمسلمين في كل وقت وفي هذا العصر وفي غيره ça, نعم on n'a pas le droit de dire que الشورى c'était qu'à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم لا on n'a aucune preuve que c'est khas que c'est réservé à une certaine période ou à un endroit لا وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ça c'est valable toute époque, tout lieu ولكن تكون الشورى في الأمور المهمة. أولا الشورى c'est les sujets importants. On ne fait pas الشورى sur tout. التي يخفى فيها وجه الصواب. Deuxièmement, premièrement un sujet important. Deuxièmement, une chose أن الصواب il est خفي. Et on n'arrive pas à savoir. On a un doute. On se consulte. On veut l'avis d'un autre. On demande. أما quelque chose de clair. مثلا dans notre rue واحد يفعل منكر عظيم et on peut l'enlever on n'a pas besoin de se consulter celui qui peut l'enlever l'enlève انتهينا هذا quelque chose de clair quelque chose qui est haram on a des textes clairs ربما l'unanimité des savants انه c'est haram on n'a pas besoin de se consulter est-ce qu'on peut le faire on peut pas le faire c'est haram enfin vous avez compris الشورى c'est un sujet important et un sujet ان وجه الصواب اي on a du mal à savoir à le comprendre à savoir il est où le haq On se consulte. Peut-être que dans l'assise, un frère il va citer une preuve, la parole d'un savant, et on sera convaincu. Donc, sujet important, et la vérité elle n'est pas claire. ولكن تكون الشورى في الأمور المهمة التي يخفى فيها وجه الصواب ويكون المستشار من أهل الرأي والمعرفة. Troisième point, ceux qui sont consultés, c'est أهل الرأي. Et il a de l'expérience. Son avis, il pèse. Il comprend ses masa'il. Il a de la ma'rifa, il a du ilm. Donc, pour se consulter, on n'a pas besoin de tout le monde. Ça, c'est les élections qui sont fondées sur la démocratie. Et la démocratie, c'est fondée sur le kufr wa dhalal. Amma nahnu la. La consultation, ça peut être 4 personnes, 5 personnes. Et on a un exemple, fait Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anna Omar, il a désigné 6 personnes, plus son fils, Abdullah. Et il a démontré à son fils, il n'a pas de... Son avis, il ne comptera pas. Il accompagne. Et l'amri revient au 6. Et il y a eu un khair azim. Et je t'aime à l'umma. Après cette shura, haoul Uthman. Thumma ahl al-fitan, ils sont rentrés, ils ont fait du shur. Ils ont tué Uthman, Thumma, ils ont combattu Ali, ils ont divisé la communauté. Enfin, ce qui s'est passé, c'est à cause de ahl al-shur ou al-fasad. Amma al-sahaba, radiyallahu anhum, ils ont suivi le Coran et la Sunna et hasala khayr. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. قال الشيخ سعدي on revient au livre وهذا الاصل الكبير قد اجمع العقلاء على استحسانه اجمع العقلاء. C'est vrai ان الشورى فيها خير عظيم. احيانا انت اما t'es pas assez objectif, اما t'es fatigué, اما t'as pas d'expérience, اما t'as pas de science dans un point. Te consulter avec tes frères, avec les membres de ta famille, des uqala, des personnes qui comprennent ces choses, Rabbama, ça te ouvre une porte que t'avais pas, que tu connaissais pas. Face à un amr hasan. فلهذا استحسنه جميع العقلاء وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال. أحيانا نعم, on ne sait pas c'est quoi la meilleure solution. On a une divergence ou on a plusieurs solutions. On se consulte et Inch'Allah, après la consultation, on choisira la meilleure solution. Surtout si cette consultation elle est faite avec des gens qui sont à la ilm et sont objectifs. عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقدار عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. Et celui qui a lu سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف فيجد من هذا الخير الكثير. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية. Ça te montre que la shura ça peut être sur des choses du din et ça peut être sur des choses du dunya. كانت الأمور مستقيمة العمل بالسنة العمل بالقرآن العمل بمنهج السلف فيه خير ces fitanes que tu vois l'an, tous ces conflits que tu vois l'an, tout ce sang qui est versé, toute cette injustice qui est propagée, c'est à cause de l'éloignement de ce genre de fondement, du Coran et de la Sunna. À l'époque, ils appliquaient Ash-Shura et autres. فَحَمْدُلِلَّهِ كَانَتَ الْأُمُورُ مُسْتَقِيمَ كَمَا قَالَ الشيخ سعدي. Chaque chose elle était à sa place. Le pauvre il avait son haq, le riche il avait son haq, la femme elle avait son haq, les enfants ils avaient leur haq, chacun il avait son haq. حتى الكافر il avait son haq. S'il donnait le jizya, si il avait son haq, chacun il avait son haq. لكن الآن الأمور تغيرت. الآن c'est fondé sur l'injustice et ils ont propager la démocratie au nom de la justice, et fil haqiqa c'est aynu dhulm. Et regarde leur démocratie, ce qu'elle a fait aux shu'ub. On ne parle pas que musulmans, hatta al-kuffar, ils sont fi dhiq. Et ils sont fi qalaq. Tout ça pourquoi? Parce que had ad-din, il a été délaissé complètement dans certains endroits, ou partiellement dans d'autres. Qala, wal ahwal fi raqiyin wazdiyat. فلما انحرفوا عن هذا الاصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم. Ce point, فقط, ce fondement, الشورى, quand الناس, ils ont délaissé ce fondement, ils se sont égarés par rapport à leur délaissement. فلو راجعوا دينهم في هذا الاصل وغيره لافلحوا ونجحوا. Ça te montre ان السبب النجاح والفلاح, c'est revenir à ce dîn. Que ça soit par rapport à الشورى ou autre. Amma délaisser hada et vouloir al-badil à une chose qui remplace qu'à la démocratie, les élections, tout ça, leurs élections et la démocratie l'ont propagé, c'est pour la justice, pour que chacun il a sa voix, pour que chacun soit entendu. Et fil haqiqa c'est pas hakada, ça a ouvert un bab shar. C'est pour ça que l'ulama est différencié entre shura ou démocratie. Wa العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه إلى أن رسالة نافعة في هذا حقيقة الشورى. Il montre c'est quoi الشورى et il montre la différence entre الشورى والديمقراطية والانتخاب. فلتراجع تلك الرسالة, c'est une رسالة للسامبل et elle est, c'est quelques pages, elle est مهمة. On peut citer quelques différences qu'on avait citées dans le dors sur l'intikhabat. Et بعض الناس, on avait cité à la fin du dors sur l'intikhabat, أن بعض الناس, ils ont des shubah, et parmi ces shubah, أنهم, ils comparent l'intikhabat avec shura. Et هذا, c'est batil, min wujou. De comparer l'intikhabat, les élections, avec shura, la consultation, c'est batil. C'est pas sahih. C'est comparer deux choses différentes. Et c'est appuyer quelque chose de faux, al-batil, al-intikhabat, qui sont fondés sur la démocratie, avec quelque chose de haq, de vrai, qui est fondé sur le Coran et le Sunna. Fal-nizam al-intikhabi, il est fondé sur la démocratie. La démocratie, pour se faire entendre, pour que le peuple y choisisse, il doit voter. Amma shura, fa masdaruha, c'est le kitab ou le Sunna. C'est pas le peuple qui choisit. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala mathalan il a harram al-liwat, l'homosexualité c'est interdit. Pourquoi? Lian Allah il l'a interdit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit, ça contredit la saine nature. Al-uqala il déteste hada, celui qui a la raison, une raison saine, c'est interdit. On n'a pas besoin de faire une consultation ou des élections. Lian les élections, si ces élections ils sont faites dans un endroit de Fussar, de Fajara, de Kafara, faroukama ils vont dire l'an. Ils sont libres. Donc c'est ça la différence. Ash-Shura c'est fondé sur le Kitab ou Sunna. La démocratie c'est fondée sur l'avis du peuple. Kadhalik, al-Nizam, al-Intikhabi, il est fondé sur l'avis majoritaire. Comme on l'a cité. Donc si la plupart y choisissent les élections, enfin l'avis qui sera pris en considération c'est l'avis majoritaire. Même s'il contredit القرآن والسنة والفطرة. مثلا الحجاب الشرعي, الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في القرآن الكريم que ses filles, ses femmes, les croyantes, elles portent le hijab. هذا c'est واضح. كذلك في السنة, les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم, elles se voilent, les croyantes, elles se voilent, et il y a une faïda عظيمة. ça ferme la porte à la fitna, etc. Al-an, des élections ou des lois, le hijab il est interdit. Fahadala. Même si la plupart des gens ne veulent pas à cause de leur kufr et de leur dalal et de leur haine envers l'islam, al-haq c'est al-haq, le musulman il ne doit pas rentrer dans ce système. Al-hijab c'est, ça fait partie de notre dîn parce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a légiféré. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik. Fashura, la consultation c'est des personnes qui sont aptes, contrairement aux élections. Les élections, hein, tout le monde vote. T'as qu'une chose à faire, aller demander ta carte de vote. Faqat. Que tu sois aqil amla, que tu sois une personne saliha amla, il ne regarde pas tout ça. L'essentiel, c'est que tu votes. Et c'est pour ça que leurs élections, c'est fondé sur l'injustice. Dans certains endroits, c'est avec de l'argent, etc. Des promesses, des fausses promesses, que pour qu'ils votent pour lui. Ash-shura, c'est pas hada. Ash-shura, c'est pour maslahat al-ibad. On n'a pas besoin que tout le monde se rassemble. Abadan. Une dizaine de personnes qui sont à la ilm et qui comprennent et leur parole elle est entendue, yandurun fil mas'ala avec les preuves du Coran et de la Sunna et ils auront des solutions à la fin. Hada fa farqun kabir entre hada et hada. Qala al imam al albani rahmatullah alayh majlis al shura la yashtarik fihi kull muslim. Cheikh l'Albani démontre la différence. Il démontre entre ce qu'ils appellent majlis al shura et pour se consulter, c'est pas tout le monde qui assiste. Surtout dans les grosses affaires, mais ta'alaq bil hukm, etc. C'est pas tout le monde. La plupart des gens ils comprennent pas ces masael. Qala inna ma yashtarik fihi khassat al umma. C'est des personnes spécifiques. Ils ont atteint un niveau fil ilm de science et d'expérience qui peuvent comprendre sur ce sujet. Amma tout le monde vote. Fala. قال وهم علماؤنا وفضلاؤنا أما البرلمان فيشترك فيه من هب ودب من المسلمين بل ومن المشركين ومن الملحدين صحيح حتى مشركون ملحدون سفهاء ربما il veut donner son avis et son avis il est pris en considération عند هؤلاء الظلمة أي le système de la démocratie et des élections. أيها المسلم احمد الله على النعمة تفي نعمة عظيمة. C'est fini, ma azima. Et hadad din, il est complet. Hadad din, c'est wahyun min rabbil alamin. Allah, c'est arhamur rahimin. Il sait, azza wa jal, c'est lui qui t'a créé, il sait ce que t'as besoin et ce qui te fera du mal. Donc ne délaisse pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé pour choisir une chose qui est fondée sur dhulm. Leur démocratie, c'est fondée, elle a été fondée sur le sang. Du sang qui a coulé, des révolutions, des injustices. Tout ça, et l'un, ils veulent te montrer que c'est quelque chose de bon pour toi. C'est du shar. Ce qui est bon pour toi, c'est ma ja'a fil Qur'an et fil sunnah. Et fais attention, anna ahl al-dhalal, ils font tout pour t'égarer. Donc, ils vont pas t'appeler ahyanan directement à la démocratie, ou ils vont essayer de te montrer que la démocratie, il y a un asl dans le Qur'an. Wa amruhum shura baynahum. Fahdhar. Ihdhar, anna a'da Allah azza wa jal, ils veulent que notre mal. هذا ما يتعلق بهذا المثال السادس عشر. قال الشيخ سعدي بعد ذلك المثال السابع عشر أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا. Et ce مثال il est lié au point précédent. هذه الشريعة c'est pour ton din, tout ce qui est lié à ton din et كذلك aux choses de dunya. C'est pour préserver ton din, préserver ta dunya. C'est pour préserver ton honneur, tes biens, ton sang et ta religion. قال والجمع بين مصلحة الروح والجسد. كذلك. Il y a une maslaha azima. Et tu vas profiter, que ça soit au niveau de ton corps, ça va préserver tes biens, etc. Ton sang. كذلك الروح. كذلك ton cœur. Donc, هذا الدين, c'est pour tout. Pas comme ils essayent de faire croire à أعداء الله أن هذا الدين c'est tu fais as-salat chez toi, ils ne veulent pas te voir la faire. Kadhalik, tu fais siyam, ça ne les dérange pas. Il n'y a pas quelque chose d'apparent. Et voilà, tu sors la zakat et tu fais le hajj une fois dans ta vie. Et hum, faqat, la. Hada din shamilun. Li umur ad-din wa ad-dunya. Ça englobe tout. قال وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه. Donc ça va ensemble. Ça va ensemble. ما يتعلق بالدين والدنيا. الروح أي tout ce qui est ton âme, ton cœur, le côté entre guillemets spirituel et al-jasad. Ça va ensemble. Ça, Cheikh Saadi veut te montrer, ce din, c'est pour tout, ça englobe tout. Pas comme ils disent al-A'da, ils veulent séparer le din de l'État. Hatta on juge plus avec les lois d'Allah, on revient plus au Coran et à la Sunna. Là, c'est fait que pour chez toi, tu fais quelques adorations. Mais tout ce qui est lié à la communauté, politiquement, économiquement, le din, il est de côté. Ça, c'est grave. هذا الدين سوحي من الله يا الله عز وجل إلي على كل شيء عليم. He says كنا بزون. قال وخلق والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه وأدر عليهم الأرزاق وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم نعم. ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد. Donc les deux, tu fais des efforts لإصلاح قلبك pour réformer ton cœur. Tout ce qui est ikhlas, mahabba, raja, khawf, etc. Et كذلك tu fais des efforts min hayth al-jasad al-a'mal. Na'am. كذلك tu prends soin de toi. Tu n'as pas le droit de te faire du mal, que ce soit à ton cœur ou à ton corps. هذا الدين il est complet. قال ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد كما أنه نعى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلوب والروح. Faire attention aux shahawat, des choses qui vont te faire du mal à ton cœur et à ton corps. ويتضح هذا في أصل آخر وهو هذا. Il va détailler le 17e exemple avec le 18e. قال المثال الثامن عشر إن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات. العلم, la science, الدين, الولاية والحكم, tout ce qui est rapport avec الحكم, tout ça c'est lié. Donc on fait attention à ce fikr qu'il faut séparer le din de l'état, ce qu'ils appellent la laïcité. On fait attention, c'est un fikr khatir jidd. نحن notre din il est salih pour tout. La politique elle doit être fondée sur le Coran et le Sunna. L'économie, les règles c'est avec le Coran et le Sunna. La médecine كذلك. Si c'est des choses de haram, on n'a pas le droit d'utiliser. Le commerce, كذلك. Al-ibadat, Qur'an ou Sunna, que ce soit à la maison ou en dehors. C'est ça notre din. Et c'est ça que le kuffar est harib diddan. قال الشيخ سعدي فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام. نعم, السلطة, أي le gouvernement, les lois, etc. Tout ça, c'est fondé sur العلم والدين. والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة وهو الصراط المستقيم وهو الصلاح والفلاح والنجاح. Et tout ça c'est fondé sur العلم والدين, الحكمة. C'est ça الصراط المستقيم. Tous les domaines on doit les gérer avec le Coran ou le Sunna, que ça soit politique, économique, que ça soit le commerce, que ça soit la médecine, que ça soit l'éducation. Tout ça, نحن on a une ni'ma azima, al-wahi, al-Qur'an wa sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a cité ce qu'on a besoin. Et on revient à Ahl al-Ilm pour comprendre. Amma délaisser cette ni'ma et vouloir appliquer ou réformer avec ce que les kuffars ils ont apporté, ça fera que du mal aux musulmans. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, lil-asaf. قال وحيث فصل أحدهم عن الآخر اختل النظام. Si on veut séparer tel domaine de tel domaine et ne pas revenir aux sources, le Coran ou le Sunna, ikhtal al-nizam, ça fait un problème. Ça fait des mashakil. L'an al-haq, il est délaissé. Et ça ouvre la porte à la fitna. وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب. On va être divisé. مثلا واحد من المسلمين il va dire أن il faut pas faire cette chose. مثلا il faut pas porter le hijab. Pourquoi vous portez le hijab dans la rue, vous faites des fitnes? نحن on va dire si, il faut porter le hijab. Parce qu'on a des preuves, t'es un muslim. Amma avec le kafir, c'est un kafir. Il croit en rien. Il croit en sahawa. Faqat. Amma avec un muslim, on a quelque chose qui nous rassemble, qui nous rapproche. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et on lui montre qu'il y a des preuves du Coran, de la sunna, que la femme, elle doit mettre le hijab. Elle ne va pas mettre le hijab chez elle. Il n'y a aucun sens. Le hijab, c'est dehors. كَذَلِكَ الصَّلَاةِ. Il fait salat chez lui, il doit faire salat au travail. Et fait salat au masjid, où qu'il soit. Mais cette séparation qu'ils veulent, c'est ça qui fait des problèmes. Alors, si ce musulman il écoute, alhamdoulilah, fa tayyib. S'il n'écoute pas, ça divise. Et c'est ce qui se passe là. Ils accusent Ahl Sunna, ils accusent As-Salafiyin, annahum ils sont trop durs, annahum. Là, si tu n'arrives pas à appliquer, admets ta faiblesse. Et fais les choses, les causes pour pouvoir appliquer. Mais t'accuses les autres d'une chose que toi tu n'arrives pas à faire, fais-la. Ça va nous diviser. On est obligé de se rassembler autour du Coran ou du Sunna et revenir à Ahl al-Ilm. Sinon, ça divisera tout le monde. On a donné l'exemple avec le hijab et beaucoup d'autres exemples. قَالَ وَتَبَعَدَتْ الْقُلُوبُ وَأَخَذَ أَمْرَ النَّاسِ فِي الْإِنْحِطَاطِ يُؤَيِّدْ هَذَا أَنَّ الْعُلُومُ مَهْمَا تَسَعَتْ والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن. كذلك tout ce qui est les nouvelles technologies ou العلوم الدنيوية, tant que ça contredit pas les textes, enfin c'est mubah. Bien sûr, tant que ça contredit pas les textes. Même une chose qui contredit le Coran ou le Sunna, même si tu penses qu'il y a un bien, فيها شر. قال ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. Et en général, ces choses, tu ne trouveras pas des textes qui les interdisent, si c'est un bien. Maintenant, tout ce qui est à la médecine, tout ce qui est lié au transport, alhamdulillah, notre sharia, elle appuie ça. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que le musulman, khasatan as-sunni salafi, il veut vivre comme à l'époque des salafs, et il ne profite pas des technologies de la médecine. Ça, c'est un fahm ba'id. Les moyens de transport, les moyens de communication, tout ça, le sunna, ils utilisent et ils reconnaissent que c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jalla tant que c'est utilisé fil khayr et tant que c'est pas fondé sur un munkar. Hada c'est muhim lanna hum ils accusent un, ils disent haoula ils veulent vivre comme à l'époque des salafs. Ba'dhum ils pensent que on veut plus de voitures, on veut plus de téléphone. A'oudou billah, tout ça c'est harbun min a'da'illah. Amma nahnu, toutes ces choses qui sont inventées, alhamdulillah sharia, c'est pas, elle contredit pas hada abadan. Tant que c'est pas fondé sur le haram, bien sûr. قال فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر وهو العقل الصحيح il contredira pas الشريعة. الفطرة السليمة elle contredira pas الشريعة. C'est pour ça que certaines choses qui sont faites là, les nouvelles technologies, les moyens de communication, etc., ça ne contredit pas Sharia. Sharia ne nous interdit pas de communiquer ou de nous déplacer. Abadan. Lakin, il y a des choses, c'est du char. Il y a des choses, c'est du char. Et dans ce cas-là, on doit délaisser le raisonnement qui contredit le haq et on doit revenir au haq. Qala, an yakun mithalan akhar wa huwa. Le 19e exemple, كذلك سأسوي نقرأ إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. الشريعة jamais elle s'opposera à quelque chose qui profite à l'être humain et qui est fondé sur l'ilm. C'est pour ça que prends l'exemple des moyens de transport. Là, moyens de transport c'est une ni'ma. Une distance à l'époque qui faisait en un mois, à l'un tu l'as fait en une heure. Abadan, tu trouveras un texte que c'est interdit. Là. Lakin al-Sharia vient te faire des précisions. Attention à ce moyen de transport, par exemple, qu'il ne soit pas mixte. Léana, cette durée, au lieu de la faire en un mois tout seul, tu l'as fait avec ce moyen de transport mixte, robama une heure, tu fais du mal à ton dé. Robama une heure, tu fais du mal à un autre. Donc avec des règles. La mixité, c'est haram. Tu peux tomber dans le fitna. قال وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. نعم الله سبحانه وتعالى il a révélé le Coran al-Karim à son messager il y a plus de 1400 ans et c'est صالح إلى الآن. C'est pour ça que la charia islamique jamais elle interdira une chose qui profite aux ibad et qui est fondée sur l'ilm. Et il n'y a pas de fitna abadan. C'est pour ça que les moyens de communication, les moyens de transport, la médecine, tout ça, alhamdoulilah, les musulmans, ils reconnaissent que c'est une ni'ma. Amma shar, c'est shar. Ne pas porter le hijab, l'homosexualité, la démocratie, tout ça, c'est du shar. Même s'ils veulent appeler ça la modernité, la liberté. Mathalan, les moyens de communication, l'islam, on n'a pas de preuve que c'est interdit. Abadan. Bel, on utilise pour la da'wah, on utilise pour salat al-rahim, etc. Avec des règles, bien sûr. Donc il y a un profit. La médecine, il y a un profit. Personne ne peut nier. Des maladies qui sont soignées, des personnes, alhamdoulilah, qui sont sauvées, bi'idnillahi azza wa jal, des nouveaux médicaments, alhamdoulilah, les gens y profitent. On a donné deux exemples, les moyens de communication et la médecine. On peut rajouter les moyens de transport, qu'est-ce que c'est ? Alhamdoulilah, le hajj, l'an, si tu vas aller au hajj, t'en as pour quelques heures, et tu reviens en quelques heures, ça facilite à beaucoup de monde. Mais à l'époque, c'était difficile. Certaines personnes ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la capacité physique. L'an, c'est beaucoup plus simple. Alhamdulillah, personne ne dira que faire le hajj en avion, c'est une bid'a. Abadan. L'an, dis-nous, il est où le khir de l'homosexualité ? Il n'y a aucun khir. Fasad, ou char. Il est où le khir que la femme, elle doit enlever le hijab ? Fasad, fitna, char. Il est où le khir dans la démocratie ? Que des fitnes, source de conflits, de guerres, etc. Enfin, c'est ça, nous, que... On refuse. Pourquoi? Parce que notre dîn nous montre que c'est un char. Mais le khayr, c'est du khayr. Personne ne dira que les voitures, c'est interdit, que les téléphones, c'est interdit, que la médecine, c'est interdit. Abadan. Et ça, ça te montre que notre dîn, il est fondé sur l'adl ou l'haq. Tu ne trouveras aucun texte qui interdit la médecine. Abadan. Bien sûr, avec des règles. Il y a des règles après. Lakin, la base même, elle est moubaha. قال الشيخ سعدي وهذه الجمل أو قبل ذلك وهذا أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع والتطبيق ذلك إن كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع فبذلك يعرف أنه تبيانا لكل شيء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي نعم أما les détails et celui qui il veut plusieurs autres exemples dans ce domaine il trouvera هذا الدين et la conclusion de ces points qu'on a lus c'est pour le bien de l'ibad et ce qui t'interdit c'est pour t'éviter de te faire du mal إما à ton cœur إما à ton corps إما à tes biens إما à ton honneur إما à tes proches et ce qui t'ordonne c'est pour ton bien même si tu ne vois pas le bien directement place ta confiance en Allah Azza wa Jal, fais des efforts, fais l'ilm, reviens aux gens de science qui t'expliquent, sois objectif et sincère, et tu verras que hada din c'est une ni'ma min ni'amillahi Azza wa Jal. Et fais attention aux ennemis de l'islam, ils veulent t'enlever cette ni'ma. Par plusieurs moyens qu'on a cités, et inshallah qu'on essaiera de citer dans des doros à part. Ça serait tayyib de citer les procédés, les moyens que les kuffars ils utilisent pour harb al-islam. On en a cité quelques-uns ici et dans quelques doros. Fala ou jumi'at et quri'at, ça serait tayyib, nasallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sada. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.